Petit au crotte de nez, copie sur ses aînés. Fan de la musique mais plus des dessins animés. Galérien qui kiffait que la tête soit animée. Barbac, le son Tupac dans le bar. La bac débarque pour arrêter le spectacle. Le rap prend de l'ampleur même si mes textes veulent rien dire. Quand je faisais écouter toute ma cité disait que ça déchire. Je continue pendant les heures de retenue. Plein de faux d'orthographe, rien à battre, je serais pas relu. Petit concert dans la cour de récréation. Ce qu'on voulait c'est que les meufs nous remarquent et nous trouvent mignons. Les signatures des remparts, rien qu'on les imitait. Les putains des trimestres qu'on savait les intercepter. Une équipe de relou, tu formais un peu gros. Les chasses à l'homme dans la tête, tu pouvais pas nous vétrou. La facto complète, session d'eau violente couplet. Des medleys en morceaux, les petits rap écoute-les. Avec du toupet, nombreux ceux qu'on choquait. Personne ne chipotait de la façon dont on insistait. Au fil du temps, on sort un peu de vos bancs. Tout en laissant un pied dedans, on rentre dans le mouvement authentique. Première fois en studio, changement de pseudo. Je dirais pas l'ancien car franchement il était idiot. Bref suivant, maintenant c'est Chroma. Rap assez bruyant donc tu m'entendras. Joyeux comme le jour de l'Aïd, dans le dos un gros neuf que j'ai mué une voix toute ch'tide. Dans les centres d'animation et les fêtes de la ville, je fais ma réputation. Bonne appréciation, félicitations. Ce qui me pousse à avoir la détermination et l'ambition. Je dois remplir ma mission, suivre les conditions pour faire valoir ma passion. Mec de Châtillon qui ne cesse de représenter. La rue s'exprime et fait qu'argumenter ses idées. Petit mais comme on dit, les apparences sont trompeuses. Là je veux rien dire tant que la voix est talentueuse. Combien sont dégueux et ne lâche rien. Cherche toujours à faire du buzz, donc respect aux anciens. Rap aérien qui plane dans les nuages. Il a trop la gouache sans avoir fait de rodage. Déclenche le 660, pas en roue sur la route. Rien à foutre mais pas le casque, ça va décoiffer ta coupe. Écoute, son OCK qui fait qu'exploser. Que des bombes donc impossible de toutes les désamorcer. Toujours des discours, c'est que le début du parcours. Ça y est c'est parti, tu peux démarrer le compte à rebours. I will find my way anywhere I keep on dreaming. And I swear that